entrer dans l'univers du dancefloor avec Hubert. Bonjour, soyez les bienvenus, j'espère que le réveil s'est bien passé. Encore au lit? Non, faut pas déconner quand même. Il est 10h et je ne sais pas si vous êtes au courant pour Electrochic, mais c'est un nouvel horaire depuis ce matin. Et là, vraiment plus d'excuses pour les retardataires. Désormais, nous avons rendez-vous ensemble entre 10h et midi. C'est cool, non? Nous pourrons même prendre l'apéro ensemble, ça va certainement nous changer de notre café habituel. Enfin bref, je vous rappelle quand même, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez bien sûr avec modération, mais pour ce qui est du son, allez-y. Sans limite, avec tout de suite Nalen & Khan qu'on ressort pour vous ce matin. C'est Beach Ball, c'est dans Electrochic sur 9530 ou www.galaxyfm.com. Let's go to the beach. Just on the ocean, I don't do. is getting started again. So close. And now I'm out of time to let you know I'm songless. We'll be right back. Simpsons avec une Invited. Galaxy. Attention, si vous voulez rafler votre passe et faire la fête le week-end prochain dans un des clubs de la région, notamment l'H2O, le Pulse Factory ou encore l'Escape, eh bien c'est le moment ou jamais de nous appeler au standard jeu 03 20 83 57 57. Nous jouons avec le 10e et le 15e appel. Et puisqu'on parle de fête, justement, ça ne pouvait pas mieux tomber. Voici Sun Club et Fiesta sur Galaxy. Appel maintenant 03 20 83 57 57. We'll be right back.

Sur Galaxy, c'est Love in War, on l'avait découvert pour vous il y a maintenant quelques mois, c'est sorti en janvier. Tiens, justement, si vous kiffez ce genre de son, eh bien on a un rendez-vous taillé sur mesure pour vous, c'est tous les mardis, c'est à 18h, c'est sur Galaxy, c'est présenté par Huggy Anton, Timothée Milton et Guillaume. Voilà, donc n'oubliez pas le rendez-vous, c'est tous les mardis dès 18h. your friends. I know who I am and you know who you are. If everybody knew what they wanted, there'd be nothing, nothing left. People would do what they wanted, and there'd be no government. There'd be no government. There'd be no government. People would do what they wanted, and there'd be no government. See you. il a débarqué dans l'Eurotop Galaxy le week-end dernier. C'est Eric Prydz qu'on écoutait à l'instant avec Piano. Attention, encore un max de gros sons, c'est ce qui vous attend en tout cas entre 11h et midi sur Galaxy. Il y aura parmi tant d'autres Dabruk et Klein, Mastic Soul avec Jacobino ou encore Deadmo5 et Not Alone. Entrez dans l'univers du Dance Floor avec Galaxy 95 33 www.galaxyfm.com. Voici les rendez-vous que vous allez pouvoir retrouver tout au long de ce samedi. À commencer par Jimmy qui reçoit Mano, donc tout à l'heure entre midi et 14h. 14h, 16h, Paola avec Vadé Retro. 16h, 18h, Manhattan, Ghetto Mania. 18h, 20h, Silver Sea et Heaven avec Essential Progress. 19h30, 20h30, Claude Monet. 20h30, 23h, Nico & Co avec Refresh. Et enfin, 23h, 1h du mat, Jerome B avec Party House. Deep in the night.

commercial free. This is Galaxy. Sur Galaxy avec Sunset People. Galaxy, c'est ça. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. horaire, c'est Electrochic sur Galaxy. Merci en tout cas à vous d'être toujours plus nombreux chaque week-end. D'ailleurs, tiens, j'ai bien envie de vous récompenser avec deux entrées gratos, tiens, pour l'H2O, l'Escape ou le Pulse Factory, car c'est à vous de choisir l'endroit où vous voulez être le week-end prochain. Pour jouer et gagner, vous nous appelez maintenant au 03 20 83 57 57 et nous jouons avec le 10e appel. Et en attendant, c'est Nicolas Fasano qui débarque dans votre radio avec Brazil Street. Yo. Really, they don't wanna know. I just wanna. C'est électrochic depuis 10h ce matin. Dans un instant, la relève avec Jimmy qui reçoit, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, Mano, entre midi et 14h. Si vous sortez ce soir, amusez-vous, faites les fous et comme d'hab, soyez prudents sur les routes. Prochain rendez-vous avec électrochic samedi prochain, 10h midi. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut. Galaxy.